Eloko makasi toza nango kaka tribalisme. La haine oyini mutu boyi oyini ekaka. Toko sikisaye. Sukisa indien na mona. Sukisa chinois na mona. Ti na ba YouTube to sala. Musara la bino zalai kaka e indi. Vous ne changez jamais de thème parce que vous n'en avez pas. Monsieur le président, c'est vous le magistrat suprême de ce pays. C'est vous le commandant suprême de ce pays. La politique qui doit être exercée, Isaïa Yo. Au Lobaki, aux États-Unis, tu dois déboulonner. Bah, parachever, il y en a un président, la Durkab Kamere, que tu dois déboulonner. Malgré la réaction à Kengo. Kengo a réagir, Mobutiste de première heure. Le président de l'Assemblée provinciale, Yakishasa, le pasteur Godin Poyi. Ma question a posé qui est, n'a pas la réponse. Mes félicitations à Ndenge, à Landeli, ancien président Ntsingi, qui a Koti Bolo Kwa Toloba. Congolais tellement ma belle Koti Katina yé, n'a Satan comme il banga Congolais. Jour comme on a micro, Banzela Kakaboye. Il y a des locaux qui sont salis, des milliers. Avant de commencer, rassurez-vous que vous vous êtes déjà abonné à notre chaîne Kadiombo TV. Et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche des notifications et de commenter nos vidéos. Merci. Merci beaucoup d'être devant vos téléphones, même sous télévision, parce que la technologie est avancée dans Poto. Là, on a Kishasa, Ezali, on a la télévision, Oyo, et on a l'ordinateur directement. Pour la Colanda Bisso. Bon, on a la question est belle, Namitouna Bino. Mais Bisso, tu n'as pas toujours l'information pour te mettre Bino à temps et à l'aise. Retenez une chose. Le seul qui va diriger pendant ces 5 ans, c'est le président Félix Tshisekedi. Bon revêté. Oh, bah, le kota qui est belé na assemblée, bah, kota qui est belé na boye, na sénat. Il n'y aura personne pour diriger autrement. C'est le président Tshisekedi qui dirige. Pendant 5 ans, batutu na mulongo, barobandako sala oye à prévoir na pouvoir na ye. On ne dira jamais l'administration du Sénat, l'administration de l'Assemblée nationale, l'administration du gouvernement, mais c'est l'administration Félix Tshisekedi. La plupart du temps, les Congolais tous ont agité. Tous en maîtrise, hein. Sauf que moi, Sango, beaucoup me perturbé. Et bien, le plus beau, Koutou, bon, ça l'attention, bon, ça la provision, bon, ça l'andakou. Ah, tous les autres, tous les camions, 1844 camions, et qui disent, commando, outil Angola, le plus beau, l'andakou, c'est ça les informations que vous avez. Jamais. Ça fait 20 ans et demi que je viens à Kinshasa. Na yokata sangomoko ya que rumeur et tamboli a bien. Ya que non yokaki. Babandi ko sala misala malamu pour mboke kende liboso. Exemple Mouké. C'est le tout premier président de la République. Oyo na sanza moko bandi misala et puis visible. Ça devrait vous émouvoir. Ça devrait vous secouer. Il y a que les soleils comme caca. Eh, a venu tel signe. Rien du tout. Ce qui vous secoue, vous, et ça, caca, information à l'Okuta, Oyo, Facebook. Bandeko. Batoyo ba pesa ki ba information à l'okuta, oh John Numbi, Balobi, à côté la ki président Bikina Chance et tout ça. Je n'ai pas peur de dire information et la mouka abimisaka. Le président vient d'envoyer le général John Numbi na Katanga pour nous nous zakuna mobule zakuna atendi ye. John Numbia le bite que ngana za général à Kabila na kokende te. Il est parti. Nyon soyo. A consacré te oyo le président Félix Akoloba. Aoza la libanda. Le président de l'Assemblée provinciale, ya Kinshasa, le pasteur Godin Poyi. Ba question a posé qui est, nazo zela ka réponse. Mes félicitations à Ndenge, à Landeli, ancien président Ntsingi, te akoti boloko a to loba. Pona muyibi ya biloko a l'état. Mais nazoko senga na Godin Poyi président de l'Assemblée provinciale. Kaka kuna na kati miyibi eza ibele landela bango. Faut pas les laisser. Et puis nako senga na yo Godin Poyi yo prouver que ozali mwana ya Nzambe, tu prônes la vérité biblique, tu as sens Christ pour ton modèle. Touro yo bo contrôler gouverneur. Ya yo na souke siwana. Juro kolinga ope sanga réponse Robin Sangai. Congolais tellement lingi mabe trop na vie na ye. Bayokani pe bakoti si esprit na batu a travailler ya OVD bayi bakasima ozo salanzela. Kala niveau toza tozo inquiéter Nzambe. Congolais tellement mabe koti kati na ye. Na Satan komi ko banga Congolais. Oyiba Paul jour comme on a micro banzela kakaboye kakaboye muyibi ya iloko oyo ko salisa des milliers na soko tuna Jean-Pierre Mbemba baboya ki azala candidat retenu comme candidat président balobi asala ki mabe ba condamné ye. Mais bato aseni ba candidat belé gouverneur ba na ba dossier mabe ka ndenge moko ya Jean-Pierre Bemba me bobo wela ki bango te kozala candidat nanga bolekisa ki bato wana to kotanga kombo wa te boyebi ba mabe ba na ba dossier mabe me botika ki bakomi ba candidat parmi bango ba musu bakomi ba gouverneur. Si quoi les sons nini bo pesa ki tango bobo ya ki candidature ya Jean-Pierre Bemba. Bondimi ya ba oyo. J'ai compris une chose. So ki le loto komi na niveau oyo. Eza mobutu na batu na ye. Boko ki ko wangana. Parce que bokani si li solo ngbanda si li si li te na koyara ba preuve tangible. Na uza lokola yete depuis aloba preuve tangible et monanate. Parce que na kozongela likambo ya Gwanda Zamboko na za koloba na batu musu baloba il dit ceci, il n'a pas de preuve, il n'a pas vécu avec lui. Toi l'histoire que tu relates, tu avais vécu na période wana. Na za ko tuna bino batu bozo ko mona ke za normal. Gwanda Zamboko boya ko ebisa nga za na pays nini. Pona nini za na potote. A qui m'a dit na poto? C'est pas intéressant, mais na go sila na ye na prochaine fois. Na za ko senga na président Félix. Ba tout tout ba l'équipe ba gouverneur, o ba za ba dossier a mabe. Papa. Tika bango ba fanda d'abord nye. Bo banda justice na bango. Ba ko ki jamais ko kende ko fanda ba ko tika jamais. Osala mabe parce que balobi ba sala ki mabe makasi contre cette population mais ba se retrouver gouverneur ba komona ke vina ba ko sala kandengo na tous les jours. Monsieur le président, c'est vous le magistrat suprême de ce pays. C'est vous le commandant suprême de ce pays. La politique qui doit être exercée eza ya yo. Au loba ki na États-Unis tu dois déboulonner. Ba parachever yon a président na Durkab Kamere que toko déboulonné. malgré la réaction à Kengo. Kengo a réagi, Mobutiste de première heure. Bah, il va encadrer Joseph, bah, pêcher, bah, stratégie, tout. Makambo, tout est à vous saler, mawa. Un père, des spécialités, naïe. Erreur, c'est là qu'il y a président, le feu Laurent Désiré, Denga Lobaki, à l'imbissi, bah, mouvancier, moussous, soit carré, ça qui va vous changer. Ce qui est le long, bah, zong ici, en abomoye. Aya, kotala, bah, toi, à l'imbissa, qui est ce que va me mingo, mboka, mawa. Monsieur le président Félix, la population tout entière est avec vous. Résultat au Ebimi na Kasa Oriental, et ça résultat imposé par la population. Bah député bah mona qui déjà que Moulouba andenge musus. Ata bozo fengaye Taliban, Taliban, résultat Taliban yango de PC et PC mili. Bah le baki oyo ya FC Chakoleka awa na Kasa Oriental, aluka place ya ko gérer, aluka place ya ko fanda. Nde babangi. Nde maweza Junes abimi. Mieux voyez que mtu mususu ya FCC. Mais na ba province mususu botikali kana maloba, botemi kana maloba. C'est très important. Batou yo babema ki sincèrement je le dis. Bozoko condamné mingi bozoko tire ko komati le yo ko komelanga ike mo pour nani nous analyser te président Kabila et pour naib saki mino ke il n'est plus président de la République. Mais je vais vous répondre que nyon so bomona ki tout autour de lui ezaba mouvance ya mobutu. Nyon so zala ko sala eza sur sous l'impulsion ya ba mouvance ya mobutu. Bato yoba pese ki ide basa la pe FCC kaka ba mouvansi ya Mobutu boke ndo kota la pe meni na ye banani baza wana. C'est bizarre ce comportement. Je n'ai jamais vu bato yoba zangi motema ya pays na bango ba zangi motema ya population ya zako produire bango ba kolia ba zangi complètement. C'est le mal qui les intéresse. Nalo bien. Batu musu ba ibisinga papa tika. Eza bato bakoti ba science occulte bi pa mama tika eza boyete. Mindele eza na science occulte pa na bango na États-Unis wana framaso telema. Ba ko dirije mboka na bango ndeni. Population zo lia bien, ezo la ta bien, ezo vake na ba occupation na yango, ba za sécurisé. Oyo, oyo siko science occulte ya modeli nini? Oyo ya banoir ba ini ko inati na nzete. Monsieur le président Félix, dans un état chaotique, Dieu vous relève comme personnalité charismatique. Il faut prendre des décisions impopulaires. C'est tout. Comme vous avez promis de déboulonner, déboulonnez-nous ces gens. C'est pas possible. Na Jésus a batoyo, tokoma ki na snel, à quelques minutes ya match ya minene, bakati kura bokende ko négocier na bango bazongisa. Na Jésus a batoyo, dans une rue de 300 mètres, vous avez au moins 12 églises à réveil. Vous avez au moins près de 30 terrasses. On s'en fout. Ya kotanga ya bana, on s'en fout. Ya ke muto sala ki musala journée mobimbe fo alala. Ta page diurne et nocturne nocturne est belée. Gestion ya FCC. Nous n'avons pas peur de le dire parce que finalement nous vivotons à cause na bango. Ba bozo sala fête que tozui ba gouvernera presque nyonso. Et aussi mbati. Vous devrez normalement avoir honte, vous humilier. Au moins, ngai soki mo sina kangi ngai. La main dans le sac. Mobali nyonso normal. Ayoka ka sonya kitaka. Abandi ko zonga na ndako attend. Abandi ko sala oyo ndako na esengeli et consentir. Mais bino bo mo tema makasi. Bozanga soni. Vous avez détruit ce pays. tango tango la gana ba limousine ba ba ba ba grosse pointure aux autres la paix et salité de part et d'autre aux amont tema makasi aux akoleka au coup ta pote aux ako respecté au comme gaga nanjili longananzela longananzela longanamo mokozi ba obeta ba tupo yo leka mawa. On va vous déboulonner. Congolais, boyoki ce monde sonne. Parfois, on t'a sala Facebook à Zoloba. Je n'ai pas fait ça pour ça. Congolais, depuis boyé ba technologie na poto avant comme la biso, vous ne dites rien de bon à Facebook. À part qu'au finga. Bon, comment va problème na bino et zana 4? Boko bimi sangona Facebook mawa ndelo ko bokinde ko lukala poto yango wana vous injuriez facilement, vous dénigrez facilement, vous faites des Photoshop bo sali mutu mutakala bokosi et les gens aiment regarder tina ba YouTube to sala musala la bino zalai kaka et indi vous ne changez jamais de thème. Parce que vous n'en avez pas. Et c'est comme ça. Et indi. Où est la sonne va outil qu'on veut tailler à souki. Et indi. Jipe ayo, jipe piada yo qui sonne. Et indi. O nyo kalongo, akimi ki chassa. Po nalikamo masi abato. Et indi. O kofiolo mide, bakanga ki mutakala zolo ka ba musicien. Et indi. Vous mentez partout. Vous êtes arrivé ici, vous avez menti. Et Vital Caméra Pessi Dot, il y a 150 000 dollars. Dans le bien, d'abord Vital Caméra Gozanga 150 000 dollars. Moutou n'a bino yandeni. Asala qui deuxième personnalité en Bokoyot. Moutou n'a bino yandeni. Botala ba ivoirien, ba pesaka, ba comédie a bien, on se qui on se peli. Ba pesaka ba information a bien. Ba mindela go ba sala qui est loco. Des bonnes informations. Vous, c'est au fungoli ka Facebook. Okokoutana na injir. Okoutana ba ofinga. Au monisseur Nayo, au Lingiye, ok, vous allez aller faire l'amour, au filmé, au bimi sur la Facebook, Congolais Mawamingi. Comment Dieu peut vous aimer, vous? Comment Dieu peut vous aimer? Bon, comme il a dit, solo, l'oukouta, mouke, oh, n'en a la dagi bato à la mouka, oh non, eh, Félix, a sa prise en otage, koutou a signé, na Rwanda, a l'ingia pesa yé mabele, contrat à l'émère, s'il y a l'émère, et comme il y a Félix, oh non, ridicule, vraiment ridicule. Le solo, mouke, oh Rwanda, occupation, na tout ah, bah, ça là, bah, vote à bon, moni, biloko, Congolais a voté. Bon, moni, ndenge, Congolais a voté. Est-ce que ça, bah, Rwanda, bah, outaki, na Rwanda, bah, voté, les biso, bazongi? Vous exagérez. C'est le fond de commerce que vous avez. Mensonge sur mensonge. Ah, ouais, Libanais, j'ai obéti, ça, moutou, fimbo. Et ça, Rwanda, moutou, aïe, abéti, fimbo, bazongi, na Rwanda. C'est le Congolais lui-même. Alors, ils ont protégé les Libanais. Aïe, tenga na protégé. A Betty Moutou, Balingi Bakangaye, Congolais, aïe, bimisi Libanais na prison. Puis, comme les Libanais, c'est le cas dans le magasin. Ba pese et l'eau, ma longa, te sac et à l'osso. Ba boîte à conserve. Na 500 dollars. Colonel, tout général. Mawa. Comment voulez-vous que ces Rwandais-là vous respectent? Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas, s'il vous plaît. C'est vous-même qui fabriquez ba ennemi Nabino. C'est vous-même qui vous ridiculisez. Congolais, Congolais, là, yé, n'est-ce qu'à faire ça, boye. Au pays, c'est bon, on a fabriqué, ou tu vas Congo, Banaboy. Ah, Bilo, on a bien, on a pam, pam, bawana. Le même café, indien, azuya, ya, elie, à Koumbisiango. Mawa, zéro. Nana boy le soleil montaille au bétranga na matoye les Rwandais ont fait foutez-moi la paix, vous mentez. Je voyage de temps en temps. Quand j'arrive à Goma, au côté Gisenyi, au moment de n'importe quoi courir, ils ont au Rwanda, ils ont collé les sabiso awa. Quand je suis chez moi au Katanga, j'arrive à Kasumbalesa, au moment de Zambie, ils ont collé sabiso collé les sabiso awa. Quand je suis à Lufu, au moment de n'importe quoi au Angola, bah ça va collé les sabiso awa. Nous ne foutons rien. On est des fainéants. On est des paresseux. Discours de Tigali Kaka, bah inibiso. Nous nous comportons comment? Bosoi bah ciment. Oh, Yuzu Salazela Nabino. N'a venu Sayo, oh, Toligara Tsekedite, allons Wakuna, Bazu Salite, Bayo Kotiana, Makadam Yasika, s'il vous plaît. L'étranger regarde et dit Nyama Oyo. Toko Salende, Mogolokola Zanyama, tout traité le Kola Nyama. Mais le Kama Kasitozanango, Kaka tribalisme, la haine. Oini Moutouboui, Oini Yekak. Tout ce qui s'est. Si na église, votre à Félix et l'équipe Awa, Batou Akabouana na église Tilelo. Vous entrez à l'église, Bozaka Kandegewana. Mauvais jusqu'au trognon.